force de Samson s'appelait Dieu Tout-Puissant. La guérison de cette femme qui a tant souffert s'appelait le roi des rois, le guérisseur par excellence. Nous on pensait que quand moi j'ai un problème, c'est mon père qui va résoudre. Il est arrivé que je parte devant mon père. Mon père m'a dit, Justin, prie Dieu. Quand on a des problèmes dans nos foyers, on pense que le parrain peut trouver des solutions. Et quand nous partons devant les parrains nous disent, prie Dieu. Plus loin, on pense que ce sont les hommes de Dieu qui trouvent des solutions. Mais quand on vient au pied de ses serviteurs, les serviteurs nous disent, prions Dieu. Mais en qui nous mettons espoir ce soir, bien-aimé? En qui tu mets espoir? Si ce n'est que celui que nous sommes venus chercher. Le maître de toutes choses. Ton problème là qui a tant duré, aujourd'hui, crois seulement que ça va trouver une solution. Ce manque là, dis-toi seulement en toi qu'elle va trouver une solution. Comme cette femme à la perte du sang, elle s'était dit en elle-même, par sa propre conviction, si seulement j'arrive à toucher Jésus. Des fois nous nous disons, Père, dites seulement une parole, je serai guéri. Mais elle s'était dit, si seulement j'arrive à toucher Jésus, mon problème trouvera une solution. Mon problème prendra fin. Mon problème trouvera son épilogue. Donc ça ne va plus continuer. La décision t'appartient ce soir, bien-aimé. Tu veux que ça s'arrête ou que ça puisse continuer. C'est seulement toi et toi-même. Dans cette dimension, bien-aimé, nous voulons encore monter. Nous voulons encore monter. Pour dire, notre Dieu, nous avons espéré dans les humains. Les humains ne nous ont rien apporté. Par contre, les humains n'en font qu'empirer la situation. Au lieu de nous consoler, ils commencent à se comparer, à comparer nos problèmes à ceux qui se sont passés autour d'eux. Au lieu de trouver un réconfort, on vous dira que c'est la même situation que mon voisin a traversée. Au lieu de dire que c'est Dieu qui est la solution. Des fois pour nous décourager, mais c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne. appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il ramène à la vie les choses qui étaient mortes dans nos vies. Il est le vrai consolateur. Le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Nous allons louer notre Seigneur. C'est lui qui fait appel à ceux qui étaient délaissés pour les ramener à être héros. C'est lui qui peut te ramasser de n'importe où, te laver et te ramener aux yeux des gens. Le Dieu Tout-Puissant. Il a besoin de notre louange. Nous allons les louer en reconnaissance de tous ses bienfaits. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour adorer le roi des rois, le maître de toutes choses? Kwa kuwaya netu ya neba itaba chonso chalwa nema weba na nchamu kuluka nejuke yeswe Yeye menu chamba chenyi wewa Mushiki chamba chetu abantu Mwena bantu ne mwena bitu Wakambula morte kai Sente chikuchibi ne kuchalo mulombo chabantu Mukola kwa chansa chepa Hey, nasa wakulure Yeise wakulure Quanta marcha, quanta marcha, quanta marcha, quanta marcha, quanta De l'Éternel, qui se tiendra dans son lien saint. Notre Seigneur aime l'adoration. Nous sommes arrivés à un moment où le Dieu que nous prions doit être élevé. Nous l'appelons Maître des temps et des circonstances. Et on dit aussi, le second nom de Dieu, c'est le temps. Il n'est pas seulement Dieu quand tout va bien. Il n'est pas seulement Dieu. Tu réussis. Il est aussi Dieu quand ça ne marche pas. Il est aussi Dieu quand tout va mal. Et c'est dans ça qu'il règne. Si lui-même s'appelle fidélité. Nous devons être fidèles. Nous allons adorer le roi des rois. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu es élevé. Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Au-dessus de tout. Le maître au-dessus de tout. Le tout là implique les problèmes. Jésus. Le tout là implique les solutions. Le tout implique les grâces. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Jésus. Élève ta voix, élève-le. Dans son lieu saint, là où il mérite d'être élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Mamlaka ni yako, ukubwa ni wako, utawala ni yako, mali ni yako, bantu ni bako. Asante Bwana, unastahili heshima na utukufu. Tunaomba katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi, tunasema amen. Kete vous bénisse. Mungu awabariki. Tunawezi kushangilia yako Mungu wetu na mikono na makofi, sababu anetujalia neema magharibi ya leo. Tunapenda tujifunze eko neno lake. Tunamubariki kwanza Mungu kwa wakati anetupatia tena tukutane tupate kuongea juu ya neno lake. Tunasoma, tufungule ma Biblia yetu, tusome mu Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mustari yake ya 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par les noms de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Baba tunakushukuru, tunabariki jina lako, tunatamania ongozati ya Roho Mtakatifu kwa kutusaidia, itupe nguvu ya kusema neno lako, na wakusikia nabo wapate kusikia. Beipoke, beiweke katika tendo, na itendelea kubariki maisha yetu. Asante Mungu wetu, tunakubariki. Tunabariki vile vile kiongozi wa kanisa, tunabariki kila mmoja anayeketi mahali hapa. Bwana tunatamania sisi wote tupotee, wewe unakaa. Na neno lako pate fwa sindani ya mioyo yetu. Sababu maandiko yanasema aliwatumia neno na ile neno iliweza kuwaponya. Mangaribi ya leo, iponye mili yetu, iponye maroho zetu. Kuna watu wagonjwa, wagonjwa wa roho, wanaokuwa na vionda ndani ya mioyo yao. Bwana waponyeshewe mangaribi ya leo katika jina lako. Kuna wale wanaoteseka magonjwa ya mwili, magonjwa ya miaka, aina magonjwa njo ile tutatia batoto yetu hapa, na mili yetu haina hekalo ya magonjwa. Mili yetu ni hekalo ya Mungu. Kumbe mapepo zote za magonjwa, magonjwa zote iko ndani ya mili yetu, itoke mu jina la Yesu. Uko Mungu anayejua kufariji watu, fariji taifa yako, tunza bilonda vya kila mmoja. Asante Baba, na inua jina lako, ne yabariki mapendo yako, mujina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi, tunaenda kuomba na kusema amen. Mungu awabariki. Nasema tena Mungu awabariki. Mangaribi yetu, tunashukuru Mungu kwa vile anetuwezesha vile vile leo tuendelee tena paka na kishina yetu kimoya moya, ile tunakuta katika Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mstari yake ya 10. Hii ni jibu ya Petro, sababu Petro aliweza kufanya tendo mzuri. Ile tendo mzuri alifanya inamuletea mambo na bakubwa, bananza kumusambisha, bena muuliza kwa mamlaka kani na mchina la nani uliweza kushimamisha ule kiwete. Hapa ananza kuibajibia, asema mujue mwebot, taifa yote ya Israel ijue, ni kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mulie uwa na kutundika. Mungu aliweza kumfufula, ni kupitia yeye munaona uyu kijana anasimama hapa na afya tele. Amen. Anasimama na afya tele. Huyu kijana anaanza kusifu Mungu. Kumbe na weye kama Mungu anakutendea kwa kizuri, kile kizuri kitakusukuma uendelee kumusifu, uendelee kumwabudu, sababu utaona bukubwa bwa Mungu ndani ya maisha yako na unaanza kumusifu. Unajua kusifu, paka hivi tunasifu. Kusifu ni kutangaza bile Mungu anaasha kukutendea. Kusifu ni kutangaza bile Mungu anaendelea kukutendea. Kusifu ni kutangaza bile Mungu atakutendea. Maana yake bile bilipita bia leo na bia kesho. Njo kwa maana kama tuko na abudu, abudu. Kama uko na sifu, sifu. Uko natangaza kubwa bwa Mungu, unatangaza bile Mungu anafanya ndani ya maisha yako. Ikule Daudi alikuwa eko naimba, eko nacheza, hakuweza kuona sema niye niko mfalme, eko naangalia kule Mungu aliweza kumutosha. Bibi anamudharau, anasema nilijinyenyekeza mbele ya ule aliyenionea umo kuliko baba yako. Haleluya. Mfalme mzima Eko na cheza na nguvu yake yote. Anaona kule Mungu alimutosha, alikuya mupori, mule alianza kuchunga bankondo, eko na nunka harufu ya banyama, yua yote eko na mwishia, bakubwa yake beko mumuji, melakini yeye eko mupori. Mungu anamutosha amo, anamuweka, anakuya mkubwa wa taifa yake, atashindwa je kumuabudu. Wena miye kila mumoja anajua kule Mungu na yeye alimutosha, anamuweka ndani ya shamba yake, tutashindwa je kumuabudu Mungu. Huyu kijana alimuabudu. Na wewe endelee kumuabudu. Wendele kumuabudu. Leo tunapenda tusome maisha ya mtu moya, maisha ya Job. Job pale tutafundishana. Tunabeba Job chapitre 42, du premier verset jusqu'au verset 10. Je vais lire. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est contre vous, est enflammée contre vous, contre toi, contre tes deux amis. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cet taureau et cet bélier, allez de mon serviteur Job. Offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, et Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. L'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimés, nous allons apprendre trois choses sur l'histoire de Job. Parce que Mungu anakutakia ukuye na afya mzuri. Kuna bintu tatu Job aliweza kufanya, bina mupeleka a retrouver sante yake. Mina beba tu mateso ya Job, mina beba tu paka malari ile magonjwa. Job aliweza kujaribiwa. Kisha, bana mupika na magonjwa. Mishi semeze juu ya kupotesha kwa batoto, kupotesha kwa bintu, Mina zungumuzia kupotesha kwa afya. Job a perdu sa santé. Munajua wakati magonjwa munene na mufikia. Bibi yake anamwambia sema, utabakia paka vile mkamilifu mbele ya Mungu, umuchambule tu ukufwe. Asema, unasema tu saa mtu moya washoko ya nakiri. Wewe unanawazia tu aseme kwa Mungu, tunapokeaka tu paka vizuri, bibaya hapana. Banduku, mateso ya Job. Hakuna mtu hata moya kudunia asha kuteswa kasa Job. Hakuna. Hakuna mtu aliona bile Job aliona. Kufatana na mateso ya Job, tunawezi kubambamo misemeo 4 bantu, maopinion. Uyu anasema bibi, uyu anasema ibi, uyu anasema ibi. Okay. Musemeo wa kwanza. Banasema hivi. La souffrance est un châtiment ou une punition. Aseme mateso, inakuwa ni malipisi. Job aliteswa juu, Mungu alimulapisa. Alimupinir. Ile ni kusema kwa bantu. Tutaikuta mule mu Job chapitre 5, verset 17. Job 5, 17. Beko na mwambia hivi. Ere l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Bene mwambia vile. Pour kinkundi kia bantu, bamoya, Job anateswa juu ni Mungu anafanya nini? Anamupini. Aifanya nzambi. Ni kusema kwa bantu. Aina njo vile mambo iko. Opinio ya pili. Opinio ya pili inasema hivi. Que la souffrance est un moyen pédagogique que Dieu se sert pour nous éduquer. Aseme mateso ni mwalimu. Paka hivi tunenda kumasomo. Mateso ni mwalimu. Ule Mungu anatumikisha juu ya kufanya nini? Kuituwajibisha. Wakati niko mumateso, wakati nina gonjwa, aba banasema ni mwalimu. La souffrance, c'est un moyen pédagogique que Dieu utilise. Il est mambo tu t'écouta Mukumbu Kumbu la Torah, Deutéronome chapitre 8, verset 1 jusqu'à verset 3. Titre banandika. L'éducation d'Israël au désert. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel agirait de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu, que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Mateso, banaita sema, ni un moyen pédagogique. Ni mwalimu. Wakati niko mateso, miko nafunda. wakati miko magonjwa, minaanza kufunda. Ni malesonka ni mitatoka na yoyo mwi mateso yangu. Utaona paka mujob mwenyeo, Job 36, verset 15. Job 36, verset 15. Anasema nini? Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Voilà. On va na sema ça ni avertissement ni mafundisho. Mateso ni mafundisho. Troisième opinion. Abana bo bana sema la souffrance démontre l'impuissance de Dieu. Aba nasema nono, kama miko na teso hivi, mina anza kugonjwa, maana yake Mungu ana na nguvu, nguvu inamuisha. Muntu mateso yuko namusemesha vile. Mateso yuko namusemesha. Ase Mungu ana na nguvu. Jua ni miko na teso hivi. Ni mateso yuko namusemesha. Ni ile uchungu, yuko nasikia ndio yuko namusemesha. En réalité, aina vile. Kama tunasoma mu Genèse 17 verset 1, Mungu anamwambia Abraham je, Mungu anamwambia Abraham hivi, anamwambia sema, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu, il est tout puissant. Il n'est pas impuissant. Mate son Dieu, il n'a semé chaque monde vie. Il est une opinion, ingine ya bantu. Opinion ya mwisho, quatrième opinion, il n'a semé hivi. La souffrance est une voie obligée pour entrer dans la gloire. Muntu ata moya. Anasema miye, depuis mirizari kwa mishi teswe, minafika kwa minafiki. Shiju webeko bangapi, eh? Atuju webeko bangapi. Me muntu ote, paka teso afanya hivi. Juu afika muntu kufu. Paka utesu. Kama tunasema kila mmoja etoneshe kule anatokea na maisha yake. Je pense bushuku butaingia, butakatika. Tunabeba maisha yake. Mam, bab, uitoneshe vile kule unatokea. Kule Mungu anakutoshi. Amen. Amen. Kama tunasema kila mmoja aseme kule anatoka. Na pale eko. Butakatika. Butakatika. Luc 24, verset 24. Uyu ni Yesu. Enasema. Yesu anasema hivi. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Mais Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Où est Yesu? Pourquoi Yesu n'a pas été en guerre? Il fallait pitié mon mateso. Pale baranza kumupika mfuimbo ile, mwili yake irigonjwa, ile sa ile, irigonjwa. Irigonjwa. Tusome Acte 14, verset 21. Paul anasema nini? Paul anasema hivi. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils y retournèrent à Lystre, à Iconque, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Non, non. Mwa Mungu hakuna vya kutesu. Umwambia sema ile habari njema yako ni ya bongo. Ile habari njema yako ni ya bongo. Yesu mwenye alifanya nini? Aliteswa. Hapa ni Paulo eko na subutisha banafunzi. Mwile midi tatu. Anibambia nini? Eko na kamilisha mioyo yabo. Anibasubutisha aseme mudumu katika imani. Na mujue ya kama ni kupitia mateso mengi. Mengi tutaingia katika ufalme wa mbingu. Amen. Na Yesu mwenyewe puruka ingie katika utukufu aliteswa. Mumaisha ya Bukristu. Tuko sawa vile band. Tuko na fase A na B. Kuko mateso, kuko furaha. Oui, bandu. Mandiko inaprecise bien. Kama tunasoma mule Mubiri sura yake ya tatu, anasema, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Kile tunapasha kujua ni hiki. Mateso ile ambaye tuko nayo. Aina ya milele ni kwa muda. Kama mimi nateswa leo, ni kwa natumaini kusema kama kesho bitachange. Kama niko magonjwa leo, ni kwa natumaini kusema kama kesho mitapona. Nikuwe natumani kusema kesho mitapona. Kama mina kosa leo, nikuwe natumani kusema kama kesho mitapata. Kama leo mishipate, nakuwe natumani kusema kesho mitapata. Njo ile kitumaini ambaye tunapasha kuya nakyo. Batumishi ya Mungu. Mateso, c'est une voie obligée par laquelle mtu yote kuna pita puko ya ingie mutukufu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vile. Utaona mtu unaanza kumtamania, unajua kile anatokea. Unajua kile anatokea na mateso yake. Unajua bingapi anafunda. Juu mateso bengine banasema ni pedagogi, ni mwalimu. Ni bingapi. Unajua mateso inafundishana bantu bintu bya mingi, bengine na akili inafunguka. Mateso. Mateso. Hii ni maopinion par rapport ya pa mateso. Alors, quand on souffre, on est malade. Aba banasema, anagonjwa juu, alifanya nzambi. Ni bo banasema. Kuko bale beko na teso, juu balifanya nzambi. Kuko bale beko magonjwa, juu balifanya nzambi. Bia kweli. Kuko bale na boba na teswa, ni mafundisho. Bale bote bana teswa kumunga nebofanya kuya bantu banene. Amen, amen. Amen. Paka buingi ya mateso ile, njo buingi na ye ya bizuri, biko na kuchunga kumbele. Apano kwa mateso, naanza kuisha vya mkinyo. Mungu, unanifundisha nini? Nini uko nanifundisha? Unanifundisha nini? Okay. Ile ni maopinion ya bantu par rapport ya mateso. Twende pa maisha ya Job. Sasa hivi ni siku ya kufundishana, tufundishane pena kitu kingine. Pa maisha ya Job Vile tulisoma Job 42, tunapenda tujifunze po bintu 3 mpe rapidement la. Mule mu Job 42, kwanzia pa verset 1, kufika pa 10. Tunapenda Mungu aliwekako bintu bitrua kuro yetu, bile tugawanye tena, tupate tena kwa chana, sababu leo ni siku ya mafundisho. Okay, kintu kia kwanza, Job aliteswa. Mateso ni realite. Aina verite, ni realite, ni kweli. Iko na mwanzo, iko na mwisho. Maintenant, save Job, ali perdre santé yake. Ali retrouver Dieu santé yake. Dieu mambo trua tunapenda tuone. Comment Job a retrouvé sa santé? Comment Job a retrouvé sa prospérité? Il est chez toi, Yangari Yembele. Tu n'as pas qu'à Dieu ya santé ya ka perdre. Sababu ni upele ni niri ni muota alianza kuipalula paka na kakintu kamoya hivi. Ata we mwenye unamwangalia Job mtu alikuwa boss, mtu alikuwa patron, unamwangalia hivi. Me anakuwa mgonjwa, anaanza kuikala mavumbi, anaenda kumpembeni kule anaikala. Ene palula na bia kuipalula, ashi palula hata na mankucha ya hapana. Mai na mvuya pa mwili yake. Paka haba banenda bana muangari. Kitu kia kwanza, kilifanya vile tunasoma, kilifanya ke Job a retrouver santé yake. Tunekikuta mu verset Job chapitre 42, le verset, ton angia pa verset 4, verset 6, Dieu ne t'intéresse. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen, amen. Tout c'est un bel amen. Amen. Alléluia. Parfois mateso njo wakati bya kweli ile tunawezi kumtafuta Mungu sana. Ni wakati ya mateso. Jacques 5 13 anasema hivi: quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Ni mu mateso. Batu ba mingi parmi ma fungulo, parmi ma njia, ilitosha batu ba mingi mu mateso ni maombi ile, maombi na kazi ya Mungu vile tulisema. Hapa banasema kle Jacob analeta hapa ni kuomba. Kama unaona sema uko mfura, anza kuimba tu. Imba. Unafaki, unaimba. Una kolop, uko naimba. Una jondoma na bukali, uko naimba. Una fura. Me kama unaona sema uko mumateso, uko malari, unakosa nini, unakosa nini? Jota ya weye kuomba. Ata kama sauti ya itoke, utomba ata chini chini. Jo wakati ya kumutafuta Mungu. Job anasema, nilikusikia kubeko na kuniambilia tu. Na shema razingine Mungu, nibia kumushikiria paka hivi biambari, Mungu, Mungu alifanya, Mungu, nono, me, aujaonanaka tu na ye hivi, anakutendea. Hivi tunasomu, shabari, Yobu alikuyaka malari, Mungu alifanya. Jovi liurishikia. Me inafai, wei, na wei kueksperimente. Kintu kia kwanza kile kilifanya Job a retrouver santé yake. Son attitude de reconnaissance qu'il était coupable devant Dieu. Dieu anatambua que niko mtenda zambi. Asemimi natubu, ananguka na munini, ananguka umadifu. Ndugu na dada, kama tunasoma maandiko, barafiki yake ya Job batrua, aba tunasoma hapa. Tuko na Bildad, tuko na Eliphaz. Eliphaz, Bildad, na mwingine watatu, bego batrua. Aba barafiki yake aba, bari mufiki ya Job, bana shindo kumukonvenkre. Shikia Mungu yiko nebakondani hapa, aseme mweye murishindo wa kukonvenkre, murishindo kumuonesha Job verite. Bandu parfois, tunawezi kujifunza ako koneshanaka kuma verite. Mtu mkubwa, akiwa mtoto, akiwa mkubwa, akiwa mtumishi, akiwa nani. Unaona tu asembi, unamonesha ako tu verite. Papa, mama, ibi huko nafanya ibi, angalia kule konenda. Apana paka kupakana na mafuta. Amen. Amen. Amen. Ukuye kona courage ya kusema. Kama unaona kitu kibaya, unasema tu. Unasema. Unasema. Apana kuflatana, apana kuflatana. Yo kaji ya Mungu na Arabika, uwe unaflatana. Apana. Kama unawesema, iki ni kibaya, unawesema, iki ni kibaya nduku. Biblia inasema hivi. Bantu banasema, haini Biblia ni bantu banasema hivi. Shiku ile ni takula chula, njo ile bupele itaindoka. Apana, takula chula leo, bupele butanitoka mashiku kumbele. Nawezi kuarabisha leo, maripisi kumbele. Barafiki yake ya Job, bana mfuata. Shikia vile wananza kumuambi. Wanawa sema nono, we, Job, ulifanya zambi. Job asema, miye, mini ulifanya zambi. Tuende mu Job chapitre 15, verset 13. Beko na muambia hivi. Kwa, kwanja pa 13 kushuka. Se contre Dieu, que tu tournes ta colère, et que ta bouche exalte les pareils discours. Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme, peux-tu l'être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, mouchki yembel, ba seba ka aina cheye, kumbingu kule, kuko ba malaika nabo. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité, comme l'eau. Job vile banazi kumuonesha Job. Job asemi na teso bale sema apana. Ulifanya nzambi. Miye misi kufanya nzambi. Est-ce que tulisoma ke Job alifanya nzambi? Apana. Me, barikuwe beko na mufikisha a revenir ku raison. Ayue ke, ata vile anedipima ke achikufanya nzambi, saivi eko muntu, devant Dieu, l'homme n'est rien. Combien moins l'être abominable et pervers, Joshua Yebal, qui oumbe kizaifu kenye kupoteya, muntu anaye kunwa, asem ekona kunwa nzambi samayi. Muntu, vile tuku, jo vile baranza kumonesha jo, mimi mshikufanya zambi sema, huko muntu. Saivi huko muntu. Bano wa sema, qu'est-ce que l'homme devant Dieu? C'est lui qui est né de la femme. Peux-tu être juste? Peux-tu être pire? Non. Devant Dieu, à panne. Anachine doit me convaincre. Il est mambo où tu écoutes à Ville-Ville. Moule mon Job 25. Où le naïe ni Bildad, ça se Bildad naïe na moufikia. Naïe na se mambia pas ka mambo moya moya. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est de la femme serait-il pur? Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un verre. Ate montu ni musanda, ivituko tuko misanda, misanda. Le fils de l'homme n'est qu'un vermisseau, musanda. Paka vile tunaonaka misanda mumai, njo muntu. Ase paka vile misanda iko mumai inakunwa mai. Njo vile muntu, i mwile konayo ni mwile ya nzambi. Njo vile muntu na ye anafanya nzambi. Bena mwonesha job vile. Asema hapana. Mi hapana. Mishi kufanya nzambi. Hapa ni ye moya. Anakutana na Mungu. Njo anasema. Nilikushikia beko na kuniambiria luambari. Hapa, mi moya, mi nakuona. Aleluya. Aleluya. Amen. Wakati Job anatambua ke eko mutenda nzambi, njo ananguka ananza kuomba buluma Mungu nirumie. Utamuona uma defense yake. Ukisoma Job 31 tout ça. Ena sema baransi kumasa uwe urifasa mnono. Miye kama mi Job. Murona sema ni nzami miri fanyi. Murona sema miri tembea na bibi wa benyewe. Miri tembea na batoto wa benyewe. Kama miri tembea na bibi wa benyewe, mwingine na ya bebe wangu. Job hakufanya nzambi. Hakufanya nzambi. Me, anafika tu kutambua ke eko muntu, eko wanzambi. 1.3, anaomba bulumu. Kitu kia pili. Deuxième attitude, il est permettre santé à Job irudie. Toko paka mu Job 42, verset 8-9. Son attitude de soumission à Dieu en intercédant en faveur des autres. Ali yake ya utifu kwa Mungu kwa kuombea wengine. Banduku. Mungu ni wa mastajabu. Hapa Mungu anamuomba Job ejisabu. Asabu mateso yake. Asabu magonjwa yake. Ataka miko nasikia uchungu, asabu. Anza kuombea bantu bengine. Anamutumia paka bali barafiki yake batrua. Wende Job emuombe. Job akukatale aliti banduku. Kumbe wakati ingine mateso yetu, magonjwa yetu, sabu magonjwa yako, sabu mateso yako, angalia mateso ya bantu, ombe ya bantu, usijombe mwenyewe. Unabeba charge ya kuombea bagonjwa beko mapitale, bagonjwa bale beko manyumba yabo, bale beko na teswa teswa, unasabu mateso yako, unaanza kuombea ya bantu bengine. Wakati jo alibeba ile kazi ya kusabu mateso yake na kubeba charge ya bantu bengine. Jo pale Mungu alimurestore. Haleluya. Amen, amen. Hapana maombi yako yote paka mimi moyo. Mungu, unione na nyumba yangu, mimi ye huyu. No, no. Ona manyumba ya bantu bengine. Mungu, ona nduku fulani. Mungu, ona dada fulani. Mungu, kumbuka bale beko mumpanga. Mungu, kumbuka bale beko mudago. Mungu, kumbuka Mungu. We sabu yako. Sabu mateso yako, ombea bantu bengine. Pale Mungu ataona kuna susi. Kumbe unawazia na we bantu bengine. Kwa sho, kuomba yo, Mungu anamutunza. Aleluya. Amen, amen. Amen, amen. Job Mungu alimutunza, hakujombe. Alitambua hali yake ya bunani, ya bunzami. Kia pili, Mungu anamupatia kazi aombe bezak barafiki yake e baombe juu ya nini juu bali cheza naye aba kumuoneshe verite Mungu anabasa muende mtowe sadaka e mombe unashikia vile Mungu anarejea nabo eh kumbe banduku parfois là où il faut dire la vérité tunasema là où pale tunapasha kubakia kimya tunabakia kimya tujifunze kombe abantu bengine. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nukta yetu ya tatu ya mwisho. Iko paka mu Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Son attitude à reconnaître les qualités ou les attributs de Dieu. Aliyake ya kutambua bumungu. Anasema, ninatambua ke weye unaweza yote. Mungu tunaye ubiri, anaweza mambo yote. Ile mambo yako iko kiloko. Ile magonjwa yako hapana kitu. Inafai utambue ukubwa wa Mungu, utambue makalite ya Mungu. Mungu iko na makalite, ile banaita sema les qualités de grandeur ya ukubwa. Il est omniscient, iko na ufahamu yote. Il est omnipotent. Eko na uwezo yote. Mungu ni wa uwezo yote. Mungu ni wa uwezo yote. Hapa mimi napenda uwe na mimi tufundeko la capacité d'agir de notre Dieu. Uwezaji ya kutenda ya Mungu. Uwezaji ya kutenda ya Mungu. Ndio paka tunashimamia uwezaji ya kutenda kwa Mungu. Capacité d'agir de Dieu. Job anasema je reconnais que tu peux tout. Ce qui a vu le Paulo na yanasema Ephésiens chapitre 3 verset 20. Ephésiens 3 verset 20 21 anasema oh à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire. Nduku nada juu wa hivi. Paulo anetuvumbula, anetupatisha mambo de, anetufunulia mambo mbili. Ya kwanza, Paulo anasema hivi. Uyu Mungu tunaikaria uyu ba mama na ba baba. Il est capable de vous donner infiniment au-delà de votre demande. Nguvu ya Mungu, capacité ya kutenda kwa Mungu, Mungu eko capable ya kukupa zaidi ya ile unamuomba. Mfano ni ya Kiwete. Kiwete aliomba fedha na dhahabu. Me Mungu anamupa mikulu. Amen. Amen. Amen. Dieu muma capacité d'agir d'ak. Il peut vous donner infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez lui demander. Dieu qui tout kakwansi. Deux, Dieu est capable de vous donner infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Bandouk, qui wete oule, arikuyaka, ashiwajiaka, ataya kama siku moya mikulu inawezi kuota. Jamais. Paka hivi na wewe hauwezi kujiwazia aseme siku moja mimi naweza kuja hivi. Au yue. Me huyu Mungu tunaikaria eko capable ya kukutendea zaidi ya bile unamuomba, zaidi ya bile uko na wazi. Amen. Amen Église de Dieu. Amen. Kama unaamini ile chapa mikono kwa ajili ya kufia Mungu wako, chapa hapo mikono sababu ni mambo ya kweli. Ni mambo ya kweli. Mimi napenda utoke na ile mkitu yako ya kusema Mungu tunaamini. Huyu Mungu tunaimbia hapa ba mama. Eko na nguvu ya kukupa zaidi ya bile unamuomba. Zaidi ya bile unawazi. Exemple, il y a Salomon. Salomon, comme on a somme 1 roi 3, 12, 13. Salomon a limomba mungu akili. Mungu anasema, ok, mina echika kukupa makili, mina kupa nabili ya womba. Yoel anasema, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset Ngin, Inasemanin. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Alléluia. Amen, amen. Munga et tupatia ke pele tunaomba. Ane tupaka pale tunaombea na zaidi ya bila tuombe. Na bila uwazi. Joyo mungu tunaikaria huyu. Jo mungu tunaubiri mangaribi ya leo. Banduku, tujue hivi. Ali yetu tukwa moya mateso, tunawezi kuretruve sante yetu. Tunawezi kuretruve bizuri bietu. Tukitenda kama vile Job aliweza kutenda. Kitu kia kwanza, Job ari rekonetre keiko mtenda zambi. Anatubu. Kia pili, Job ari rekonetre aliweza kumuti Mungu. Anasabu mateso yake, anombea benzake. Kia tatu, Job, alitambua ke Mungu ni mkubwa, ni muweza vyote. Mungu ni muweza vyote. Akuwezeshe vyote katika jina la Yesu. Akupe vile unakosa, akupe vile aumuombe, akupe vile atukuwazie, paka vile aliweza kumutendea, ule kiwete na uwe akutendee. Napenda tuombe kama ombi kafupi sana. Umambia tuwase mbaba. Vile ulimutendea unduku, ulimupa zaidi ya ile aliomba na ile hakuwazia. Na mie unitendee vile. Unipe ile ninaomba na zaidi. Paka vile ulimutendea Salomo. Mungu alimutendea Salomo. Alimupa ile aliomba zaidi ya ile hakuomba. Mungu alimupatia Salomo butajiri. Hakuna mtu sa Salomo. Jo kutenda kwa Mungu wetu. Dieu est capable. Il est très capable parce qu'il est Dieu puissant. Mais on appelle dans ma papa, mangaribi yale, nami, unitende, saidi ya ile mina kuomba. Paka vile kiwete aliomba feza, banamupa mikulu. Nami unipe, unipe. Paka vile Job, aliombea barafiki yake. Na we unawezi kurestore sante yake. Mina penda na we, uombe kubantu wataba ngapi bagonjwa, bale beko katika mateso, Mungu na ye afanya mambo yako. Apana kujiombea, tutaombea bantu bengine, mujina la Yesu Christ. On prie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as appris trois attitudes de Job. Job a appris à reconnaître qu'il était coupable. Dieu a appris à obéir à Dieu. Job a appris, il a reconnu que Dieu est capable de tout. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, n'empêche pas qu'on soit beauté partout où ils sont, qu'ils soient dans leurs maisons, qu'ils soient dans les hôpitaux, que la main puissante de Dieu puisse les toucher au nom puissant de Jésus. Touche les malades, touche tous les malades, Seigneur, partout où ils sont, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans les hôpitaux, que ta main puissante puisse les toucher au nom puissant de Jésus. Restaure leur santé, restaure leur vie, restaure leur vie, restaure leur santé. Souviens-toi de ceux qui sont malades, souviens-toi de ceux qui souffrent, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont misérables. Il y en a qui sont misérables, malheureux. Seigneur, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Alléluia. Tu es le Dieu capable d'agir. Tu es capable d'agir au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons, le Dieu en qui nous avons cru, il est tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Capable de tout faire. Capable de tout faire. Capable de tout faire. Oui, Seigneur, tu es capable de nous donner infiniment au-delà de ce que nous te demandons. Tu es capable de nous donner infiniment au-delà de ce que nous n'avons pas demandé, de ce que nous ne pouvons pas nous imaginer. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Bénis ton église, touche les vies des gens. Il y a les malades au milieu de nous. Que ta main puissante puisse les toucher au nom puissant de Jésus. Tous les malades, partout où ils sont, qu'ils soient dans leur maison, qu'ils soient serrés dans les hôpitaux, que tu les touches au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure les santé de la même manière que tu as restauré la santé.